On est rendu tout bonnement comme ça à notre bloc de l'Ouest canadien et on va commencer ça bien sûr avec un beau souvenir tiré d'un album Poésie pour la poivre de Ronald Tremblay de l'Alberta. J'ai justement parlé à Ronald Tremblay il n'y a pas très longtemps. Il va très bien, il s'occupe là, il était à la retraite. Mais on lui a demandé de faire la direction artistique du prochain gala Chante Ouest, qui est en 30e anniversaire. Donc, il a dit, ben oui, je vais le faire. Et puis, il est bien occupé avec ça. Un gars super sympathique qui connaît la musique de l'Ouest canadien. Donc, on va entendre un beau souvenir de son album « Poésie pour le poivre ». C'est une adaptation francophone d'un succès de M. Gordon Lightfoot. Ça s'appelle « Fantôme d'automne » en français. Et vous allez reconnaître la chanson, ça c'est certain. Par la suite, on va entendre tout simplement « Pas facile », M. Jeremy and the Delicious Hound, qui eux, lui et son groupe, sont des demi-finales de Grammy de cette année. Donc, on a bien hâte de voir s'ils vont passer à travers, on l'espère. Et on va terminer ce premier bloc-là avec une autre pièce de l'album « Le Détroit » de Paul Cournoyer. Si vous n'avez pas encore mis la main là-dessus, il serait temps de le faire parce que c'est un très bon album et la pièce, c'est tout simplement fou. Donc, M. Paul Cournoyer qui a sorti tout récemment un album solo comme ça, sûrement disponible via la PCM, www.apcm.ca. Allez mettre la main là-dessus, c'est du bon produit de l'Ouest canadien, de la région de Edmonton, je ne me trompe pas, au Calgary, je me mélange, mais je pense que c'est Edmonton. Mais on va commencer ça avec mon bon ami Ronald Tremblay, qui reprend une chanson de Gordon Lightfoot. Voici tout simplement « Fantôme d'automne ». Si tu voulais m'entendre, que de récits je partagerais, de l'âge d'une âme tendre, disparu comme un film oublié. Remontant le temps, on glisserait doucement vers l'aube de l'amitié. À l'abri du chagrin et cette spirale d'indifférence et de méfiance ferait place au matin. Si tu voulais entendre les voix qui veulent tant te parler, tu pourrais alors comprendre les silences que tu m'as reprochés. Tu entendrais l'histoire d'un voilier esselé que le vent a laissé tomber, ancré contre son. Laissez-la sans trajectoire, impuissant face à l'immensité. Peut-on jouer avec des yeux nouveaux les rôles de jeunes premiers, déjouer la destinée? Mais pour nous, il se fait tard et nos vies s'égarent tristement dans une suite de départs. J'ai ce grand vide à l'intérieur, le rêveur en moi qui appelle, une envie qui me pousse ailleurs, comme si le bonheur m'était toujours étranger. Si tu voulais m'entendre, que de récits je partagerais, d'un âge, d'une âme tendre, disparu comme un film oublié, remontant le temps. glisserai lentement vers l'eau de l'amitié. Le moment est passé et je sais que jusqu'ici les fantômes d'automne m'ont menti. Je n'ai du vin que la vie et j'ai ce vide à l'intérieur et le rêveur en moi qui appelle une envie qui me pousse ailleurs comme si le bonheur m'était toujours étranger. Thank you. On court sans savoir où aller, mais heureusement tu me constates et me permets de naviguer. Sinon je deviens fou, je ne me ressemble plus, je m'inquiète de tout, de tout ce que j'aurais dû. Sinon tu deviens fou, tu ne te ressembles plus, tu repenses à tout, à tout ce que t'aurais pu. Même si on devient fou, qu'on ne se ressemble plus, qu'on s'inquiète de tout, de tout ce qu'on a vu. Quand le vent souffle dans toutes les directions, récemment, sur les médias sociaux, j'ai vu une photo qui m'a fait du bien. C'était la formation Soir de semaine, qui font encore des spectacles ici et là. Donc, j'ai envoyé une perche. Hein? J'ai dit « Hey, les gars et la fille, faites-vous un album bientôt? Qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai eu comme réponse « Ça fait 7 ans qu'on travaille sur notre album. » Donc, un peu de patience, chers amis. Peut-être qu'on aura droit à un nouvel album de Soir de semaine. Un moment donné, on l'espère, parce que c'est un bon groupe du Yukon qui fait de l'excellente musique francophone. Des gars que j'ai rencontrés une fois, j'ai croisé une fois au Contact Ottawa, à Ottawa. Oui, c'est à Ottawa, c'est ça. Et c'était vraiment des gars très sympathiques. Marie-Maude aussi, Marie-Maude, qui est la fille du groupe, ben, est très sympathique également. Donc, j'ai hâte de voir le nouveau matériel de Soir de semaine, parce que c'est très énergique. Ska, pop, dance, rock'n'roll, c'est du bon produit. La preuve, on va entendre « Citoyens du monde », ça s'en vient dans quelques instants, c'est magnifique. Aussi du Yukon, on a Madame Sophie Villeneuve qui avait sorti, il y a peut-être presque un an, un petit album de plusieurs chansons. Et je vais vous faire entendre « Le Pantin » qui est vraiment là, une très, très, très belle chanson. Très énergique, belle fun. Et puis, une belle drive dans cette chanson-là. Donc, « Le Pantin » de Sophie Villeneuve, ça s'en vient. Et on va terminer avec Ariane-Marie Clemire. Elle, j'aimerais bien qu'elle nous prépare un nouvel album, parce que me semble que « Je deviens le loup », ça fait une petite secousse, que c'est peut-être un an et demi que c'est sorti. Puis, elle aussi, je l'ai rencontrée au Gala des Prix Triomphe. Très charmante, très sympathique, bien fun, et puis bonne musicienne à part de ça. Donc, on va entendre la pièce Paris Edmonton. Mais pour l'instant, voici Soir de semaine, Citoyens du monde. J'ai le goût de me sentir mieux, d'aller très loin, d'aller au bout des lignes de ma main. Je rêve à demain et j'ai le goût de voir les enfants aller très loin, aller au bout de leur firmament. Still demain et j'ai le goût de me sentir bien, d'aller très loin, d'aller au bout des lignes de ma mère. Je rêve à demain et j'ai le goût de voir l'an prochain, aller très loin, aller au bout de ce refrain. Jours à faire semblant d'être en amour, mais j'en ai plus rien à cirer de toi. Je prends même plus le temps de texter, puis encore moins t'appeler. Choisis donc pour moi, libère-moi donc pour moi. C'est pas de ma faute, j'suis un pas de colonne, j'ai jamais laissé personne. C'est mieux comme ça, c'est pas moi le méchant, j'aime mieux le rôle du perdant. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise? Qu'est-ce que tu veux que j'te dise? Je vais fermer la porte, y'aura pas de vent. C'est pas de ma faute, j'suis un pas de colonne, j'ai jamais laissé personne. C'est mieux comme ça, c'est pas moi le méchant, j'aime mieux le rôle du perdant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paris Edmonton,